Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions diffusées en septembre 2016 autour d'une question: que fait la police? Aujourd'hui, philosophie des forces de l'ordre en compagnie d'Hélène Leuillet. Que fait la police? Mais que fait-elle vraiment? C'est-à-dire non pas qu'attendons-nous d'elle, mais à quoi sert-elle? Quelle est sa fonction, sa raison d'être? Au nom de quoi agit-elle? Peut-elle sacrifier la justice au nom du maintien de l'ordre? Est-il légitime de recourir à la violence pour maintenir la paix? Des normes foucauldiennes au roman policier, de la haine de la police à l'équilibre délicat entre force et justice chez Blaise Pascal, cette semaine, philosophie des forces de l'ordre en 4 étapes. Qu'est-ce qu'un gardien de la paix? Un gardien de la paix est un soldat ayant comme seul ennemi le malfaiteur. Cette définition, mesdames et messieurs, est de M. Rouet, conseiller municipal. Au moment où les malfaiteurs se manifestent tous les jours avec tant d'audace, tous les moyens et toutes les énergies du corps d'élite des gardiens de la paix doivent être tendus vers un seul objectif, celui-là même pour lequel il a été créé et pour lequel la ville de Paris participe à son entretien, à savoir la sécurité des citoyens. Ah, mon gaillard, vous traversez les rues en dehors des passages cloutés. Vous allez voir ce que cela vous coûte. Inobservation des règlements d'ordre public, entorse aux arrêtés préfectoraux, contravention. Vous prenez l'autobus en marche, vous en descendez dans le même style, cela fait 1200 francs d'amende. Vous avez joué 20 francs à la belote. La loi n'admet que les haricots. La loi pousse le scrupule jusqu'à vous interdire de jouer aux courses pour un ami. Elle appelle cela pudiquement favoriser un pari. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte du petit endroit. Outrage à la pudeur. Vous risquez une petite amende de 24 000 francs. Mais l'œil d'aigle de la loi a souvent une lueur de pitié. Et les agents sont de braves gens. Il est bien loin le temps où les policiers pouvaient faire leur autopromotion avec humour et légèreté et se présenter comme des braves gens, Hélène Leuillet. Ah oui, les choses se sont considérablement tendues dans nos sociétés où finalement la violence des relations entre la police et la société est devenue très grande, malgré les déclarations d'amour post-Charlie. Aujourd'hui, les relations sont très tendues, mais en même temps, pourtant, cette citation est très riche et elle nous rappelle des choses essentielles sur la police, en tout cas dans sa fonction d'ordre. Alors déjà, sa présentation, je dirais, le seul but, la poursuite des malfaiteurs, c'est déjà très intéressant. La police, c'est une sorte de laïcisation du combat contre le mal. C'est toute la tradition que Foucault nomme pastorale de la police. Le policier est une sorte d'évêque qui veille sur, il y a une tradition philanthropique de la police. Et bien entendu, ce que nous rappelle aussi, c'est presque ce jeu de mots qu'on sort de Foucault. La police surveille en veillant sur, elle veille sur en surveillant, elle a l'œil à tout. Aux petites choses comme aux choses plus graves, les trafics d'argent. C'est-à-dire que la police est un œil, elle n'est jamais seulement un bras. Même si aujourd'hui, évidemment, dans les relations très tendues que nous avons avec la violence, la police, on l'identifie à un bras, un pistolet, à des coups. Mais la police, pas seulement un bras, c'est un œil. Elle a l'œil à tout, aux grandes et aux petites choses, parce que elle veille en surveillant, elle surveille en veillant, en quelque sorte. C'est ça qui nous est rappelé. Et également qu'elle a nécessairement un jugement discriminant dans chaque petite chose, justement, qui lui incombe. C'est-à-dire qu'évidemment, dans nos sociétés de surveillance numérique, l'œil est partout. Mais l'œil du policier, quand bien même il s'est technicisé, évidemment, dans son histoire, ça reste l'œil, oui, d'une brave personne, en principe, parce que ça reste un œil humain. C'est-à-dire que le policier, il est lui-même engagé avec son corps dans une manifestation, dans une surveillance, dans une patrouille, dans la surveillance même des lieux aujourd'hui menacés. Puis il doit savoir effectivement à quel moment il intervient ou pas, à quel moment c'est suspect, à quel moment il doit laisser passer. Et ça, au plus bas degré de la hiérarchie, on parle parfois d'inversion hiérarchique dans la police, parce que c'est pas du haut que viennent les initiatives les plus importantes pour le maintien de l'ordre, mais du bas, de celui qui est là devant un lieu menacé, qui doit, dans les passants, essayer de repérer celui qui peut représenter un danger et pour la société. Et qui doit trouver le bon moment pour agir. On va revenir sur cette temporalité de la police, qui est extrêmement intéressante. Oui. Avant cela, l'étymologie du terme police trouve sa source dans la politéia des Grecs, qui est un des termes les plus difficiles à traduire. Comment est-ce qu'on on tire de cette origine étymologique le sens même de la police? Oui, alors ça a beaucoup intéressé les policiers qui ont réfléchi sur la police au XVIIIe siècle, parce que politéia, évidemment, c'est un terme très riche et très ennuyeux. Parce que, bon, Ça s'est spécialisé dans la philosophie politique, dans le sens de gouvernement, quoique pour Platon on traduit la République aussi, hein, c'est-à-dire quand même le gouvernement par la loi, hein, et un peu plus qu'un gouvernement au sens technique, mais un esprit de gouvernement. Et c'est cette richesse sémantique qui a permis qu'au XVIIe siècle, à préparer un peu par le XVIe siècle en Allemagne, un sens spécialisé apparaisse. Justement, ce sens qu'on évoquait à l'instant des choses de peu, que Foucault appelle un sens large et précis, qu'on appelle parfois au XVIIIe siècle le gouvernement de la ville, la science des détails du gouvernement, dit La Bruyère, les choses de peu, dit Montesquieu. Voilà, ce sens spécialisé qui est une première technicisation de la politéia. Alors comment est-ce qu'on en est venu là? Il y a une sorte de glissement sémantique qui s'est fait avec un mot qui n'a rien à voir, qui est le verbe polir en latin. Qui est d'ailleurs pas quelque chose de très doux, hein, qui consiste à taper sur aussi pour le polir. Hein. Et du coup, policé, l'adjectif policé, quand on parle de nations policées au XVIIIe siècle, ça devient presque des nations polies, hein, puisque le verbe polir a donné la politesse, tandis que policé, police, ben ça vient de politeia. Et du coup, le gouvernement, c'est devenu en quelque sorte ce qui polie les mœurs, ce qui fait qu'on peut avoir des mœurs douces, mais en tapant, par exemple. Et donc de ce glissement sémantique, du fait que nous en français on entend police, policé, c'est le même mot, eh bien est né ce sens spécialisé de la police. Je dirais il y a quand même un troisième moment qu'il faut pas oublier. Dans ce sens, le sens 2, hein, le sens technique de gouvernement, la police s'est séparée de la justice, on y reviendra peut-être. Dans le sens 3, qui est plutôt le sens contemporain, hein, on faisait allusion à l'instant au glissement qu'il y avait eu à l'époque contemporaine au XXe siècle, eh bien la police devient encore plus spécialisée, mais comme le remarque Foucault, encore plus vague. C'est-à-dire, pour le dire très vite, elle n'a plus affaire qu'à la violence non négociable. Ce qui, évidemment, donne un certain nombre de choses nouvelles. Et là, on peut dire qu'elle se sépare de l'armée. Alors, elle est séparée de l'armée institutionnellement depuis toujours. Hein, c'est la grande différence des traditions policières entre la gendarmerie et la police. Police et gendarmerie, aujourd'hui, ont tendance à se réunir en raison notamment des changements dans l'habitat. La différence ville-campagne a tendance à diminuer. Hein. Les gendarmes étaient plutôt la police des campagnes et la police des villes, c'était la police au sens propre. Mais au niveau des cultures policières, les choses restent très différentes, précisément parce que la gendarmerie dépend de l'armée. Et que la police, dans son sens 3, je dirais, cette police-là, qui est encore plus spécialisée, mais en même temps très vague, qui n'a plus qu'à faire qu'à la violence non négociable, hein, c'est la police qu'on connaît, elle est différente de l'armée. C'est un autre esprit. Vous avez pointé implicitement le paradoxe constitutif de la police, qui est que, d'un côté, il y a une forme de gouvernementalité ou de porte-parole, d'une manière de s'occuper des affaires de la cité, et de l'autre, ce que vous appelez le peu de choses, hein, s'immiscer dans les affaires du quotidien pour y maintenir une forme d'ordre. Vous citez dans les premières pages de votre livre, hein, le traité de la police de Nicolas Delamare, qui dit que la définition large de la police, c'est un art de procurer une vie commode et tranquille. C'est tout l'enjeu vient de ce tiraillement entre, d'un côté, être le représentant de l'État, et de l'autre, avoir maille à partir avec la vie quotidienne la plus triviale des individus. C'est pour cette raison-là que Louis XIV crée la police, enfin invente littéralement la police en 1667, hein, parce que la ville de Paris était devenue ingouvernable. On sait que Louis XIV détestait Paris. Hein. D'ailleurs, il est parti à Versailles, il était traumatisé dans son enfance par la Fronde, et Paris était tout sauf une ville commode et tranquille. Hein. C'était effectivement une ville très agitée et sale. Et donc Louis XIV a séparé les fonctions du lieutenant de police. Ce qui a comme conséquence, un certain nombre de conséquences qui expliquent ce paradoxe que vous pointez à l'instant. C'est que d'une part, la police dans la tradition française, elle vient directement de l'exécutif. Elle est liée à l'État. Hein, c'est un œil de l'État. Et c'est ce qui a passionné Foucault aussi, qui est un grand lecteur de Delamare, puisque Delamare est le premier à tirer les conséquences, hein, de cette invention de Louis XIV, hein, puisqu'il le travail commence son traité de la police en 1705. Et donc Delamare repère bien là le changement, et Foucault après lui, c'est que là, il y a un œil de l'État. Et ça a des conséquences terribles au niveau de la conception du pouvoir. Et puis surtout, même si la police sert le maintien de l'ordre, ça fait qu'elle dépend toujours d'un service de renseignement. C'est d'abord un savoir de la société et un savoir de toutes les choses de la société. C'est-à-dire que ce paradoxe que vous disiez tout de suite, que la police a affaire aux choses de peu, mais qu'en même temps elle est en haut, c'est ce qui donne aussi parfois à la police ce sentiment de toute puissance. Alors écoutons Louis XIV, une fois n'est pas coutume, vous l'avez dit, il y a un édit prononcé par Louis XIV en 1667 qui stipule, je cite, « Et comme les fonctions de la justice et de la police sont souvent incompatibles d'une grande étendue, pour être bien exercées par un seul officier dans Paris, nous aurons résolu de les partager. » Écoutez-le. « Comme il est certain que les rois ne peuvent pas porter immédiatement leurs ordres dans tous les endroits où s'étend leur pouvoir, ni veiller de leurs propres yeux sur tous les sujets qui sont soumis à leur empire, il est sans doute qu'ils ont besoin, pour maintenir la discipline publique, de prêter avec vigueur le secours de leurs bras à ceux qui, dans chaque ministère, agissent sous leur autorité, soit pour faire observer les lois générales du royaume, ou pour entretenir les règles particulières de la profession sur laquelle ils sont préposés. La même humeur de sédition qui porte un subalterne à se commettre contre celui qui lui doit commander, le porterait assurément à cabaler contre nous-mêmes s'il était en mesure de pouvoir traverser nos intérêts. L'exemple du libertinage autorisé est de la plus dangereuse conséquence du monde. Il est injuste de tolérer l'oppression des faibles, mais il est périlleux de soutenir l'audace des mutins. Un inférieur à qui son supérieur fait violence doit trouver dans la suprême autorité des rois un refuge toujours assuré. Mais ceux qui, par la seule espérance de se faire valoir, se mêlent de ce qui n'est pas de leur portée ou veulent affaiblir la réputation des gens qui leur sont préposés, doivent rencontrer en nous du mépris et des châtiments plutôt que de l'accueil et des récompenses. La voix de Jean-Louis Jacobin se prête assez bien à celle qu'on s'imagine être celle de Louis XIV, Alain Le Guay. Alors, ce qui est frappant dans ce texte et dans la formulation de l'édit que j'ai lu juste avant, c'est que l'idée même de police naît d'une volonté de la distinguer de celle de justice. Est-ce que ça veut dire que la police est complètement indépendante de la justice et de l'idée même de justice? Non, bien entendu, police et justice sont liées. Dans l'état de droit, il faut le rappeler, la police dépend de la justice. Aujourd'hui, la police judiciaire ne peut pas perquisitionner, par exemple, sans la décision d'un juge. La justice fait contrepoids à la police. C'est-à-dire que dans les sociétés qui sont les nôtres, on voit bien ça chez Louis XIV apparaître, la division des pouvoirs, c'est pas seulement la division entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire. C'est qu'à chaque niveau de la société, le pouvoir arrête le pouvoir, comme dit Montesquieu. Et en séparant la justice et la police, Louis XIV met quand même en place un système de contre-pouvoir, hein, où la justice peut arrêter la police, mais où la police aussi arrête la justice. Alors, bien entendu, il y a des raisons d'efficacité à ceci. Hein, c'est-à-dire que la justice est lente, et elle est lente par nécessité de l'état de droit. Il faut attendre que les passions retombent pour pouvoir juger. Mais la police, elle est rapide. Hein, elle intervient quand il faut. Alors ça, c'est aussi le Louis XIV qui est du côté de la raison d'État. La création d'un lieutenant de police, c'est tout à fait un acte de la raison d'État. Et la tradition de la raison d'État, elle est facile à remonter. Le précepteur de Louis XIV, c'est Mazarin. Mazarin est l'élève de Gabriel Naudet, et Gabriel Naudet est un lecteur de Machiavel. C'est la voie directe avec Machiavel. Vous savez qu'on disait de Richelieu qu'il avait dans sa poche un bréviaire et dans l'autre le prince de Machiavel. Donc il y a directement cette filiation de la raison d'État qui arrive à Louis XIV et qui est à l'origine de cette invention qu'on peut penser soit géniale, soit terrible, de la police, mais qui en tout cas est dans la cohérence de la complexification du pouvoir que Louis XIV, qui était quelqu'un quand même de très intelligent, avait compris. Et d'autre part, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que la tradition de la raison d'État, nécessite que parfois la justice fasse contre-pouvoir, parce que c'est précisément aussi, comme le dit Naudet, de prendre des décisions avant de juger, hein, avant de savoir. Enfin, c'est quand on pense que l'État est menacé, sur un renseignement du lieutenant de police, on peut prendre une lettre de cachet, etc. Hein, je veux dire, il y a un arbitraire de l'État. Mais néanmoins, quand même, là, dans le texte qui vient d'être lu, est bien rappelé qu'il est dans la prérogative aussi de la police de protéger de tout arbitraire. Alors, faut pas trop y voir une ruse du pouvoir, trop vite, hein, mais quelque chose qui est bien dans la logique de ce qui se met là en place. C'est-à-dire que Louis XIV a conscience qu'en créant une fonction policière autonome, puisque auparavant, évidemment, il y avait de la police, mais exercée par le lieutenant qui s'occupait de la police et de la justice, en créant une fonction autonome, il invente en quelque sorte une institution qui se trouve entre l'État et la société. Ce que j'appelle, moi, dans mon vocabulaire, entre le haut et le bas. Qui devient une place impossible, alors qui est effectivement contre-pouvoir. La police protège l'État de la société, mais en principe, logiquement, elle peut aussi protéger la société de l'État, des abus de pouvoir. Dans un État de droit, un citoyen peut porter plainte contre un représentant de l'État. Si c'est la justice plus que la police qui veille à cette égalité devant la loi. Oui, mais de toute façon, bien entendu, il y a toujours ce contre-pouvoir. Mais la police, elle doit instruire l'affaire. Quand un citoyen vient porter plainte, c'est d'abord à la police qu'il s'adresse, qui doit ouvrir le dossier et saisir la justice. C'est que Louis XIV a bien conscience aussi qu'il faut une échelle entre la justice et la police. On évoquait tout à l'heure le kairos de la police à propos de la police d'ordre. La police doit savoir à quel moment agir. Eh bien, c'est ceci aussi, ce kairos de la police. C'est qu'il faut quelque chose d'intermédiaire entre la police et les citoyens. La justice s'occupe des lois. Elle a à faire respecter les lois. Mais encore faut-il savoir de comment qualifier. Et cette qualification, même si ensuite elle peut être cassée par des tribunaux, c'est d'abord la police qui qualifie, qui dit voilà à quoi on a affaire, voilà l'objet du délit, voilà l'objet de la plainte, voilà l'objet de la contravention. Il y a une vraie pensée de la société dans la police. Une pensée de la société, mais aussi il y a comme une forme de presque d'ontologie temporelle de l'action, de l'agir de la police. Absolument. Il faut savoir à quel moment agir. Vous parlez du kairos aristotélicien, c'est-à-dire ce sens de l'occasion propice, du bon moment. Le policier est celui qui va prendre l'initiative d'agir à un moment donné quand la situation se présente, tout en respectant les ordres qui lui sont donnés, et pour essayer de régler un cas ou de venir protéger quiconque en a besoin, ou à l'inverse, éloigner un malfaiteur, pour reprendre l'expression de l'archive qui a ouvert cette émission. Mais juste sur cette différence avec la justice, parce que là c'est vraiment crucial, justice a pour but, disons, de subsumer le particulier sous l'universel, c'est-à-dire de faire en sorte que la loi puisse s'appliquer à tout un chacun selon toutes les particularités, la police suit cette logique-là, mais de manière beaucoup plus pragmatique. Le policier est celui qui est dans l'action, en fait. C'est un savoir qui n'est jamais que théorique, qui est proprement pratique. Tout à fait, exactement. C'est le monde sublunaire d'Aristote, pour le dire en un sens. Voilà. Exactement, c'est le monde sublunaire à Aristote. Et ce qui a intéressé, à mon avis, Foucault, c'est que là, on voit bien comment la pratique crée du savoir. Il y a de la pensée dans la pratique, et la pratique crée du savoir, ce qu'Aristote, effectivement, avait aussi, lui, théorisé. Mais alors là, ce que vous pointez, c'est aussi quelque chose qui nous amène à toute l'esprit moderne, je dirais, à tout l'esprit de la police. On peut caractériser, il y a quand même un esprit de la police dans cette ontologie que vous remarquez, et notamment il y a cette temporalité dans l'esprit de la police qui a affaire à l'urgence. C'est ça l'action. Le temps de l'action, c'est le temps de l'urgence. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, bien sûr, il y a de la pensée là-dedans, mais on n'a pas toujours le temps de réfléchir. La justice doit réfléchir, doit prendre le temps. On arrête là maintenant, on prend les dossiers, on réfléchit, on prend le temps de revenir, La police, elle doit agir tout de suite. Si vous laissez passer le type qui a une ceinture d'explosifs, tant pis, c'est tant pis pour vous. Je veux dire, l'action... Pour nous, plutôt. Elle a lieu, tout à fait. Ce temps de l'urgence dicte une temporalité qui est la temporalité du thriller, qui est la temporalité du suspense, qui est toute la raison de notre fascination pour la police, du fait qu'il y aura une séance, vous l'avez dit, sur le roman policier. Pas une séance, je sais que vous êtes psychanalyste, mais pour le coup, nous raisonnons en termes d'émission. Pardon, mais ce pour sera ce mercredi, lapsus. On parlera du roman policier chez Krakauer. C'est moi qui fais des lapsus. Et donc, il y a un suspense de la police qui vient de cette temporalité de l'urgence dans laquelle le policier est pris, et qui dicte aussi un certain rapport avec le cynisme policier. Le fait que le policier se moque du philosophe. Louis-Sébastien Mercier disait « Il faut que le philosophe se mette à l'école de la police. » La police sait des choses sur la société. Oui, Louis-Sébastien Mercier, qui est l'auteur d'un tableau de Paris magnifique au XVIIIe siècle, lui-même, pour son tableau de Paris, a beaucoup emprunté à la lieutenance de police. Et Foucault dit « La police, c'est l'archive aussi, la première archive des sociétés. » Eh bien, le policier, lui, se méfie profite du philosophe parce que le philosophe parle. Et donc, et dans l'élément de la pensée, justement, cette toute-puissance de la police que j'évoquais tout à l'heure vient de ce que le policier, comme une sorte de cynique, hein, il ne se paye pas de mots parce qu'il a directement affaire à l'action et son savoir, il le puise dans l'action. Il est dans l'urgence. Il n'a pas le temps de se payer de mots. Mais alors, donc, ça, c'est un point important parce qu'effectivement, on dit que la police est tout entière dans l'action, son action est commandée par l'urgence. Dans quelle mesure n'est-elle pas que le représentant ou le bras armé de l'État ? Dans quelle mesure a-t-elle vraiment une liberté d'initiative dans son action ? Alors, il y a une liberté d'initiative dans le fait, comme on disait tout à l'heure, qu'au plus bas niveau, eh bien, c'est de qui donnera l'alerte que dépend de la suite. Dans les services de renseignement, qui sont eux, alors effectivement, je pense que c'est peut-être pourquoi vous me posez la question, l'inverse de ce que je dis, et qui sont aussi, dans une certaine mesure, le fondement de la police, même si l'armée aussi a des services de renseignement, et pas seulement d'ailleurs dans nos sociétés, il y a des services de renseignement un petit peu dans tous les corps de métier et un peu partout. Mais enfin, dans la police, c'est essentiel. Mais tout dépend aussi de ce que les agents qui font du renseignement de proximité font remonter. Toujours, ce qui gouverne l'action, c'est ce qui fait remonter. Alors, bien entendu, le policier ne peut quand même pas faire n'importe quoi. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a l'instance mandatante. Et c'est dans cette dialectique-là que se joue cette place impossible de la police aussi. Il y a eu de grands débats en sciences politiques pour savoir si la police était un instrument, le bras de l'État, ou bien si elle était justement dotée d'initiative, autonome, voire un État dans l'État. Évidemment, c'est très dangereux. Si la police est un État dans l'État, c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi, au moment de la Révolution française, après la très mauvaise réputation quand même de la lieutenance de Paris sous la monarchie, Rabault-Saint-Étienne, à la Convention, dit « la police est une arme suspendue au temple de la liberté ». C'est-à-dire qu'il rappelle le rôle de l'autorité de l'État, de l'instance mandatante. Les policiers ne doivent pas faire n'importe quoi. Il y a la justice d'un côté comme contre-pouvoir, mais il y a aussi l'État, l'autorité de l'État. Mais ce que Jean-Paul Brodeur, un extraordinaire criminologue trop tôt décédé, appelait le mandat de la police, c'est un chèque en gris, opaque. Qu'est-ce que ça veut dire, un chèque en gris ? Alors, c'est d'une part un chèque en blanc, bien sûr, c'est-à-dire que l'autorité mandatante donne à la police un pouvoir d'initiative. Seulement, chaque policier doit le remplir, ce chèque, c'est-à-dire remplir sa mission, c'est remplir le mandat qu'on lui a confié. Seulement, le mandat, il n'est pas indiqué. On n'indique pas à quel moment ça commence et à quel moment ça s'arrête. Jusqu'où la police est couverte pour remplir son mandat. Et évidemment, Brodeur l'appelle chèque en gris parce que cette zone, quand il s'agit du politique, est quand même très opaque. C'est-à-dire la police déborde de temps en temps. Et c'est là que les messages confiés par l'instance mandatante, par exemple, pour Paris, le message des préfets de police. C'est très important de savoir jusqu'où l'autorité mandatante couvre. On sait, en 1968, la célèbre mise au point de Maurice Grimaud quand la police a commencé à frapper des manifestants. Une lettre extraordinaire dans laquelle Grimaud dit, en somme, le chèque en gris, là, je restreins. Je restreins la somme. Vous ne pouvez pas aller trop loin quand même. Le crédit ne va pas être infini. Moi, je ne couvre pas. Mais pourquoi chèque en gris, pas chèque en blanc, pardon, juste sur l'expression de chèque en gris. Évidemment, on est dans une zone opaque où il peut aussi y avoir des scandales, des bavures. C'est pour signifier l'absence de transparence dans le mode de fonctionnement entre l'État et la police. Et puis l'inavouable, les secrets, les scandales qui existent aussi, les bavures qui existent aussi. Il faut pas être injuste à l'égard de l'extraordinaire travail que fait la police pour le lien social. Mais en même temps, il faut bien aussi savoir que là, le risque de la bavure, le risque du scandale, le risque du sentiment de toute puissance, le risque d'être un État dans l'État, il est aussi inscrit. Et dans la police elle-même, il y a une dangerosité possible de la police qu'on a vue à l'œuvre dans les régimes totalitaires, mais dans les régimes démocratiques aussi, la police peut s'avérer aussi parfois dangereuse. La police a été, depuis le XVIIIe siècle, une espèce de formidable instance de régulation sociale, de surveillance perpétuelle, de correction incessante du comportement des gens. Une instance non pas tellement de justice que de normalisation. Il ne s'agissait pas tellement de faire appliquer la loi que d'obtenir un comportement normal, conforme. des individus. Mais ça, c'est la police qui l'a fait. La police l'a fait pendant tout le XVIIIe siècle, dans les interstices d'un pouvoir judiciaire qui finalement était lâche, discontinu, inattentif, etc. Bon, et je crois que c'est cette fonction policière, dont on dit toujours qu'elle doit être subordonnée à la police, qui est au fond le vrai socle sur lequel fonctionne actuellement la justice. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police. Monsieur l'agent, monsieur l'agent, est-ce que je vais bientôt sortir de ce carrefour? Il y a longtemps, longtemps, longtemps, monsieur l'agent, que je suis là avec ma tire à ce carrefour. Chez nous, ma femme qui m'attend avec sa mère m'a recommandé d'être là à l'heure, puisqu'il y a sa mère et moi qui rapporte le beurre pour mettre dans les épinards. Elles vont me reprocher mon retard amer. Pourquoi quand le feu est vert, c'est comme quand il est rouge, personne ne bouge, je trouve ça louche. Oh là là, quel temps on perd. Je m'énerve. Mais qu'est-ce donc que cet agent? L'agent qui est planté devant mon véhicule, la jambe en l'air, allons ayez monsieur l'agent, la gentillesse de garer votre matricule, l'agent dit trop, mais la police est sur les dents. Et l'agent siffle, n'est pas content que je le bouscule. L'agent gémit, j'ai beau lui dire, ma femme cardiaque est au lit avec une attaque, ça lui fait une belle jambe au lit. Il sort son petit carnet pour me ficher une contredanse. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h29 et vous écoutez aussi Bobby Lapointe, là, sa chanson Monsieur l'agent, pour le premier temps de cette série d'émissions consacrée à la police, histoire et philosophie de la police, en compagnie aujourd'hui d'Hélène Leuillet, qui est maître de conférence en philosophie politique à l'Université Paris-Sorbonne, psychanalyste et auteur de Basse police, haute politique, une approche historique et philosophique de la police, paru chez Fayard. Les gens ne savent pas que depuis 1995, il y a une loi qui est passée. Le gardien de la paix n'est plus le simple gardien de la paix qui s'occupait de code de la route, de gestion administrative. Il est officier de police judiciaire, il passe un examen et donc peut mener une enquête de A à Z à son nom et prendre toutes les dispositions qu'un officier de police judiciaire peut prendre. Et pourtant, il n'est que simple gardien de la paix. Ben, c'est-à-dire que tous les policiers sont agents de police judiciaire à l'article 20, ouais. Donc peuvent faire des procédures, peuvent rendre compte, mais ne peuvent pas prendre certaines dispositions comme les perquisitions, les mises en garde à vue. Et donc un officier de police judiciaire a toutes ses prérogatives et peut gérer son enquête comme il l'entend. Si au moment de la création de la police par Louis XIV, celui-ci entendait distinguer la justice de la police, les choses sont beaucoup plus compliquées dans la réalité, pour les raisons que vous évoquiez, Hélène Leuillet, de pragmatisme. C'est de la mission même qui revient à la police, consiste en partie à faire régner une forme de justice, même si celle-ci n'est pas institutionnelle. On entendait la voix de Foucault, c'est en 1977, hein, qui disait lui clairement que la justice est au service de la police. Oui, c'est ça, Foucault aimait bien intervertir un petit peu les formules. Et juste, je finis là-dessus, et le témoignage que l'on vient d'entendre, qui montre qu'après 1995, les gardiens de la paix sont devenus des agents de police judiciaire. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune distinction aujourd'hui. Ah, il y en a des distinctions. C'est-à-dire qu'il faut toujours distinguer, évidemment, ce qui est de l'ordre de l'état de droit. Et aujourd'hui, c'est quand même très important pour l'état de droit de rappeler que la justice doit arrêter la police. On l'a vu dans les dernières manifestations contre la loi travail au mois de mai, où la police, la justice a cassé des interdictions de manifester qui est contre des étudiants qui étaient de toute évidence arbitraires et n'avaient que pour finalité de donner un signal de maintien maintien de l'ordre dans la population à des étudiants qui faisaient absolument pas partie des Black Blocs. Enfin, donc, c'est quand même important dans l'état de droit. Je ne sais pas ce que Foucault aurait dit. On peut pas faire parler ceux qui ne sont plus là, mais enfin. Mais on n'a pas besoin de lui pour noter voilà, là, ici, une forme d'irrégularité quand même dans la procédure même, tout simplement. Exactement. Mais ça lui donne aussi raison sur le fait que analytiquement, quand on examine ce qui se passe, la police est parfois prise dans cette toute-puissance, hein, au plus haut niveau des responsables policiers du ministère de l'Intérieur, dans cette toute-puissance qui fait que la police se dit non mais la justice ça suffit, hein, et à quoi bon de faire notre travail si on ne met pas les gens en prison, etc. Je veux dire, il y a une plainte policière aujourd'hui qui est notamment une plainte contre la justice et qui donne raison à Foucault. Alors bien entendu, c'est le Foucault de 1977, vous venez de le rappeler, au moment où Foucault est en train de basculer du schème de la bataille, hein, comme on dit, qui gouverne par exemple un livre comme Surveiller et punir, où Foucault dénonce sous l'état de droit l'illusion, hein, dénonce l'illusion du contrat social pour montrer qu'en vérité, la société est un champ de bataille. Et puis ensuite, quand même, dans les années qui suivent, il passe à l'analyse des techniques de gouvernementalité. Et là, il change un petit peu, hein, son regard sur le pouvoir. Mais il n'a jamais démenti ce qu'il a repéré dans ces années 75-76, c'est-à-dire le fonctionnement du pouvoir disciplinaire. Mais qui n'est pas très loin de ce que Tocqueville appelle la centralisation administrative, et dont Tocqueville disait déjà qu'en France, elle était trop grande, parce que la police s'occupe de tout. Et qu'effectivement, quand la police de tout, de savoir si les parents envoient leur enfant à l'école, s'ils ont fait faire les vaccins, etc., de l'éclairage public, eh bien, nécessairement, elle devient une instance de censure, c'est-à-dire de censure au sens romain du terme, hein, c'est-à-dire de règlement des comportements, hein, comme le dit Foucault, l'affaire de la discipline, c'est pas la loi, c'est le comportement, c'est le règlement, et donc là, évidemment, c'est une normalisation des comportements que la police produit, ces comportements policés, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont normativés. Bien entendu, il y a aussi un enjeu considérable à ça que repère Foucault. Indépendamment de ça, il me semble ce qu'il appelle l'interversion de la visibilité, c'est-à-dire un changement dans notre rapport au pouvoir et que Louis XIV avait saisi, dont il avait saisi les implications. Ce qui est très passionnant dans le moment Louis XIV, dit Foucault, c'est que le roi soleil, celui qui pousse l'ostentatoire à son extrême, en vérité, c'est celui qui commence à cacher le pouvoir. Ça paraît paradoxal. Foucault, qui est parfois très emphatique, hein, des formules magnifiques, il dit « l'aigle et le soleil disparaissent » sous Louis XIV. L'aigle, c'est Bossuet, une sorte de grand conseiller du prince. Et puis Louis XIV, le soleil, ils disparaissent avec l'invention de la police, parce que la police, ce n'est plus le pouvoir qui se montre, c'est le pouvoir qui se cache. Et donc, ça peut devenir l'œil qui voit l'invisible, et qui voit l'invisible, quoi. C'est-à-dire tout ce que vous essayez de cacher de votre intimité, c'est l'œil qui passe par le trou de la serrure, c'est la surveillance continuelle de toutes les parties de la société. Alors, c'était aussi l'époque où on se met à donner des noms aux rues. Et Louis-Sébastien Mercier, que j'évoquais tout à l'heure, rend compte de ces émeutes des Parisiens qui disent « Non, nous ne voulons pas de nom de rue. Nous ne voulons pas avoir une adresse. » On se repère très bien sans nom de rue, hein, ça c'est pas la... Mais l'adresse, les Parisiens y ont vu tout de suite, hein, le principe de la police, de ce quadrillage qui fait que on peut toujours savoir qui est où. Ben, c'est ça le principe de la police, c'est comme ça que le pouvoir se cache et c'est comme ça qu'effectivement elle police. Que le pouvoir se cache, mais c'est aussi l'intérêt de l'analyse foucauldienne quand on réfléchit sur la police, que de montrer que c'est un système à double entrée et que finalement cette surveillance ne fonctionne pas que dans une direction. Écoutons-le, c'est un extrait de Surveiller et punir, ici interprété par Jean-Louis Jacopin. Pour s'exercer, le pouvoir doit se donner l'instrument d'une surveillance permanente, exhaustive, omniprésente, capable de tout rendre visible, mais à la condition de se rendre elle-même invisible. Elle doit être comme un regard sans visage qui transforme tout le corps social en un champ de perception. Des milliers d'yeux posés partout, des attentions mobiles et toujours en éveil, un long réseau hiérarchisé. Cette incessante observation doit être cumulée dans une série de rapports et de registres. Tout au long du XVIIIe siècle, un immense texte tend à recouvrir la société grâce à une organisation documentaire complexe. Et, à la différence des méthodes de l'écriture judiciaire ou administrative, ce qui s'enregistre ainsi Ce sont des conduites, des attitudes, des virtualités, des soupçons, une prise en compte permanente du comportement des individus. Or, il faut remarquer que ce contrôle policier, s'il est tout entier dans la main du roi, ne fonctionne pas dans une seule direction. C'est en fait tout un système à double entrée. Il a à répondre, en tournant l'appareil de justice, aux volontés immédiates du roi, mais il est susceptible aussi de répondre aux sollicitations d'en bas. Dans leur immense majorité, les fameuses lettres de cachet, qui ont été longtemps le symbole de l'arbitraire royal et qui ont politiquement disqualifié la pratique de la détention, étaient en fait demandées par des familles, des maîtres, des notables locaux, des habitants des quartiers, des curés de paroisse. Et elles avaient pour fonction de faire sanctionner par un internement toute une infrapénalité, celle du désordre, de l'agitation, de la désobéissance, de la mauvaise conduite. Un des aspects les plus négatifs du rôle interprété par Foucault de la police dans la société est cette espèce d'infrapénalité dont il parle, à savoir l'entreprise de normalisation à l'œuvre dans l'exercice même du pouvoir de la police qui s'immisce dans la société de manière à ce que finalement il y ait une intériorisation de la fonction de la police au sein de chaque individu. Hélène Leyer. Tout à fait. Et là, on a parfois accusé Foucault d'avoir déliré. Bon, il est vrai que je suis pas toujours d'accord, hein, parfois avec les interprétations de Foucault, par exemple, qui force beaucoup Bentham, l'idée du panoptique de Bentham. Mais là, il colle au texte. Hein. Il faut dire que Foucault fait presque une paraphrase des textes quand il dit ces milliers d'yeux ouverts. Là, je cite à nouveau un texte de Louis XIV dans les Mémoires pour l'instruction du dauphin, où il dit « Il est nécessaire d'avoir les yeux ouverts sur toute la terre hein, ». C'est-à-dire Foucault colle au texte policier quand il repère cette fonction de surveillance constante. C'est bien l'ambition hein, de Louis XIV quand il crée la police. Et on voit bien que Foucault repère quand même ces trois grandes données, me semble-t-il, de l'esprit policier. Qui n'est pas rien, hein. Quand on crée la police, on crée aussi un esprit de police qui est d'une part la cause de l'ordre, qui dicte même une grande lecture de l'histoire des sociétés, ça qu'on retrouve toujours dans la police, hein. C'est-à-dire que l'ordre est précaire, l'ordre est menacé, il y a un désordre possible, ça justifie la surveillance. Donc, sorte de cause de l'ordre dans la police. Également, l'idée, une logique du soupçon. Qui va avec ce qu'il dit. C'est-à-dire cet œil, c'est l'œil qui soupçonne, c'est l'œil qui quadrille, parce qu'il peut toujours y avoir un inconvénient caché. Hein. Et puis, c'est une tendance à l'enchantement, parce que ça nous fascine, et que c'est ça, cette logique de l'intériorisation des comportements, elle vient aussi de cette fascination. Et ce que Foucault nous rappelle, peut-être si on va un peu plus loin, c'est que dans une société où on va dans tous les interstices, dans toutes les marges, eh bien alors on fabrique de la violence. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, hein, c'est-à-dire dans des sociétés très normalisées, très surveillées, à quoi assiste-t-on ? À quelque chose qui grandit hein, au niveau de la violence. Ce que Foucault nous rappelle ici, c'est que la bureaucratisation des sociétés à laquelle nous assistons, cette rationalisation, elle ne peut jamais être complète. Alors, même dans une certaine mesure, les premiers à la déranger, c'est les policiers eux-mêmes. Ce bon ordre de la société. Javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères. En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais. Il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux classes d'hommes, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Il n'avait le choix qu'entre ces deux classes. En même temps, il se sentait je ne sais quel fond de rigidité, de régularité et de probité, compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohèmes dont il était. Il entra dans la police. Il y réussit. À 40 ans, il était inspecteur. Il n'y a pas que les magouilles pour réussir dans la vie. Non, voyons. Mais tu te rends pas compte que si tu deviens honnête, les gens vont te montrer du doigt dans la rue parce que tu seras le seul type honnête de cette ville pourrie. Allez, arrête. Mais je te dis qu'il n'y a pas un seul mec honnête dans le coin, moi. Et je te le prouve quand tu veux. Tu vois cet escalier ? Le premier mec qui descend, on l'arrête et on l'embarque. Ah, c'est intéressant. Au bout d'une demi-heure d'interrogatoire, il passe aux aveux. Normal. Et il avoue quoi? C'est ce que je sais, moi. Quelque chose. Oui. Alors, Ah. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Police, je vous emmène au commissariat. Et n'essayez pas de fuir. Allez, allez, montez là-dedans. Non mais, écoutez, il doit y avoir une erreur parce que... Depuis le temps qu'on te cherche, je savais bien qu'on finirait par te trouver. Mais on peut dire que tu nous as fait courir, hein, François. Enfin, monsieur, vous êtes dans l'erreur. Non, te fatigue pas, on sait tout. Mais je suis banquier. Ah, ben ça, ça nous arrange. Parce qu'on a un copain qui voudrait emprunter dans les 200 briques sur un siècle, on voudrait savoir combien ça fait par mois. Enfin, monsieur, je ne plaisante pas, je suis Michel Blanchard. Ah, tiens. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis connu dans le quartier, monsieur. Non, t'es surtout connu au fichier. D'un côté les policiers, de l'autre les voyous. C'est dans Les Misérables que Victor Hugo propose cette description de Javert en définissant voilà, la position de certains hommes par rapport à la société. Il y a deux classes d'hommes, dit-il, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Javert donc choisit son camp, clairement. Mais l'extrait des ripoux que l'on vient d'entendre, le film de Claude Zidi avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte, laisse penser que finalement, les policiers sont peut-être eux-mêmes aussi voyous. C'est-à-dire que finalement, si c'est la même chose, si c'est un choix initial, comme le laisse croire Hugo, eh bien, il y a en chaque policier une partie voyou. C'est ça, c'est ça. Et là, je crois que Victor Hugo a bien saisi quelque chose, enfin, qui vient peut-être tempérer un petit peu pas ce que dit Foucault, mais enfin, la façon dont on l'interprète souvent d'une sorte de puissance tentaculaire. En même temps, Foucault a bien vu, aussi, ce qu'il en était de cette place très bizarre, donc, que j'appelle entre haut et bas, entre société et État, qui est une place impossible de la police, où elle a affaire au reste de la rationalité, en quelque sorte, là où ça déborde. On peut bien essayer de faire que ça cadre et qu'on quadrille, etc. Il y a toujours des moments où ça va pas marcher. Et Victor Hugo a bien saisi ça, effectivement, dans le personnage de Javert, qui contient aussi les ripoux, puisque, et effectivement, dans cette place impossible, il y a toujours des affaires de ripoux. Il y avait évidemment Vidocq, mais il y a toujours des histoires où le policier est entre les deux, parce que justement, il interprète le chèque en gris d'une certaine manière. Mais là, ce qui est très fort dans le paysage, dans le personnage de Javert et puis dans son rapport ensuite avec Jean Valjean, c'est que il est lui-même en marge, il a une conscience de la marge et ça dans les cultures policières on le sent toujours. Différence avec l'armée, différence avec les gendarmes qui sont eux aussi sur un bord, mais pas le même, le bord de l'ordre. Le policier, il dit à ses enfants, ne dis pas que ton père est dans la police, encore aujourd'hui. Alors ça va se parer de toutes sortes de rationalisations, de la menace, etc. Mais c'est qu'il y a bien là la conscience d'une marge et le fait que de toute façon aussi, pour obtenir des renseignements, pour mener ces enquêtes, il faut aller jusqu'au bas de la société, il faut aller dans les bas-fonds. Le gendarme vit dans une caserne, le policier il est dans la ville, il est fait pour la rue. Et vous savez, même les grands préfets de police, qui alors eux sont issus des grands corps d'État, ils ne sont pas nés dans une prison la plupart du temps comme Javert. Ils disent pour les grands, le préfet Lépine, préfet Grimaud, il faut aller dans la rue. Un responsable policier, c'est quelqu'un qui aime la rue. Oui, mais qui est en dehors de cette rue en même temps. C'est ce que dit le texte de Hugo. Et vous en faites une figure du cynique, le policier. Exactement. Dans votre livre. C'est le cynique, celui qui regarde avec détachement. C'est ça. Société. Il est tenté par les marges. Comme le cynique, il est tenté par les marges et il pense, et il sait aussi, que le réel, c'est là qu'il va l'attraper. C'est précisément parce qu'il a affaire au réel. C'est-à-dire le réel. Le réel, c'est tout. Le réel, c'est simple. C'est tout ce qu'on reçoit comme un choc. Tout ce qu'on n'arrive pas forcément à symboliser par des discours. C'est quand ça cogne, disait Lacan, le réel. C'est ce qui cogne, le réel. C'est ce qui heurte. Le métier de policier, c'est ça. C'est exactement, on ne va pas jouer sur le cynique, un métier de chien. Et donc, évidemment, ça attaque ou ça défend. Mais c'est aussi, vous savez, voir des choses pas drôles. Voir dans la société ce qu'il y a de pire. Avoir peur aussi, avoir peur. Beaucoup de policiers ont peur dans l'exercice de leur métier. Pourquoi? Parce que le réel, ça cogne. Parce que quand on se prend un cadavre, etc., c'est pas drôle. Même la police de circulation a affaire à ce réel-là, là, entre le haut et le bas, mais aussi entre la vie et la mort. Et donc, pour cette raison, le policier dans les marches. I'll introduce into the world One and only Junior Mervyn from those time until this time and forever. The big song called Police and T. Them still are roam the street, I Merci beaucoup Hélène Leuillet, je rappelle que vous êtes auteur de Basse politique, haute police, une approche historique et philosophique de la police, disponible aux éditions Fayard. Police and thieves in the street, fighting the nation with guns and ammunition. Police and thieves in the street, guns and ammunition from Genesis to Revelation. The next generation will be here. All the crimes committed day by day, no one tried to stop it. Police and Thieves de Junior Mervyn sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous proposez un anti-manuel de philosophie. Tout part, Adèle, d'une prise de conscience. Je me suis rendu compte de l'existence de toutes sortes de manuels pour bien vivre. Qu'il s'agisse de livres, de chroniques ou d'articles, les philosophes sont eux aussi convoqués pour nous guider au quotidien, mais surtout pour l'améliorer. Prendre son temps,